Galaxy, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, nous recevons aujourd'hui le père Job Guetcha, doyen de l'Institut Saint-Serge de Paris, l'Institut de théologie orthodoxe, université donc francophone de théologie, la seule dans le monde. Et le père Job nous parlera de quelque chose de très important dans l'histoire de l'Institut, c'est-à-dire de la réforme qu'il a entreprise depuis pas longtemps concernant les études de l'Institut. Père Job, vous avez été élu doyen en décembre dernier, succédant ainsi au père Boris Bobrinskoï. On est passé d'un très grand nom, évidemment, de la théologie orthodoxe et de l'ancienne génération, un des professeurs les plus jeunes avec vous. Vous êtes très jeune, vous avez soutenu une thèse de doctorat à l'Institut Saint-Serge, une thèse commune avec l'Institut catholique, et vous enseignez l'histoire et les rubriques, c'est-à-dire la théologie pratique. Et maintenant, nous allons parler de cette réforme, cette fameuse réforme qui vient changer un peu la vie de cet institut. Si vous voulez, auparavant, on va dire deux mots sur son histoire, parce qu'elle est tout de même très importante. Oui, tout à fait. L'Institut Saint-Serge est la faculté de théologie orthodoxe la plus ancienne en Europe occidentale. Nous avons célébré les 80 ans de l'Institut l'année dernière par un colloque scientifique. L'Institut a donc été fondé en 1925. Par le métropolite Eloge Georgievski, dont les mémoires viennent d'être publiées en français il n'y a pas si longtemps. Monseigneur Eloge, en venant à Paris, voulait fonder une école de théologie pour deux raisons. La première était une raison pratique, c'était pour former le clergé, former les laïcs de son église, ici en France et en Europe occidentale. Et puis, par ailleurs, essayer de continuer la grande tradition des recherches de théologie, des grandes facultés de théologie, des grandes académies de théologie qui avaient fait un travail scientifique très important à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle en Russie, mais un travail qui a été interrompu par la révolution bolchevique. Et donc les professeurs de ces illustres académies qui avaient immigré et à l'étranger se sont retrouvés à l'Institut Saint-Serge et ont essayé de continuer ce travail. Donc du coup, nous restons depuis 80 ans dans cette grande tradition d'œuvrer dans deux domaines qui sont un peu différents mais qui ne s'excluent pas mutuellement, à savoir la formation pastorale et puis par ailleurs la recherche théologique. L'histoire est longue, vous avez dit 80 ans, de très grands noms sont passés par Saint-Serge, Kimov, Mayendorf, Florovski, enfin de très grands noms, nous le savons, mais l'histoire continue. Alors une réforme entamée depuis quelques mois qui s'annonce et qui va être appliquée à partir de cette année universitaire, pourquoi fallait-il une réforme ? Eh bien, c'était, en devenant doyen, c'était une des premières choses que le Conseil des professeurs a mis à l'ordre du jour, c'était la réforme des programmes. C'est que, disons, pendant toutes ces années, on a gardé un certain nombre de cours, une certaine structure qui devenait lourde parce qu'on a beaucoup plus accumulé des cours qui devenaient très lourdes et qui ne répondaient plus tant aux besoins de l'Église d'aujourd'hui, tant aux normes universitaires européennes. Donc une des choses les plus importantes, c'était de un peu réorganiser les cours afin de répondre aux nouvelles normes de l'université européenne qui est en train de se développer. Vous savez que ceux qui connaissent un peu ce qui se passe dans les universités en Europe savent qu'il y a cet accord de Bologne, ce processus qu'on appelle ce processus de Bologne, qui fait que toutes les universités européennes doivent répondre à un certain nombre de standards. Il s'agit tout d'abord de la longueur des études, c'est-à-dire que maintenant le premier cycle universitaire doit se faire en 3 ans. Jadis, à l'Institut Saint-Serge, la licence durait 5 ans, ensuite on est passé à 4 ans. Il y avait une année propédeutique plus 3 années de licence. Maintenant, nous sommes restreints avec les normes européennes, à faire une licence en 3 ans. La maîtrise, qui maintenant s'appelle master, pour marquer la différence avec les anciens programmes, doit durer 2 ans. Toutes ces cycles de formation impliquent un certain nombre de cours. Les cours doivent être semestriels. Jadis, nous avions des cours qui commençaient au mois d'octobre, qui duraient jusqu'à fin mai. Maintenant, nous avons des cours par semestre. Et également, chaque cours, en plus de la semestrialisation, il y a l'attribution d'un certain nombre de crédits. De crédits, ce qu'on appelle les European Transfer Credit System, qui permet justement les échanges entre les facultés, les différentes facultés de théologie, les différentes universités, ce qui a comme avantage également de pouvoir, disons, organiser la durée de sa formation. C'est-à-dire que la licence, théoriquement, dure 3 années, avec un certain nombre de crédits. Maintenant, les gens peuvent venir et suivre un certain nombre d'heures de cours et répartir, étaler cette licence sur plusieurs années s'ils ne peuvent pas la faire en 3 ans. C'est un peu un programme à la carte. Alors, c'est le programme appelé LMD, hein, licence, master, doctorat, ou 3-5-8. Voilà. 3 ans pour la licence, 5 pour le master et 8 pour le doctorat, ou en, plus, évidemment. En accumulant les années, c'est-à-dire 3 années plus 2 années supplémentaires pour le master, ce qui fait un total de 5, plus théoriquement 3 autres années pour le doctorat, ce qui fait un total de 8 années d'études. Avant de passer à l'examen précis de tout ceci, et comme nous sommes sous le vocable de Saint-Serge, je vous propose d'écouter son tropaire. Il est chanté par la chorale de l'Institut Saint-Serge, dirigée par Nicolas Sorguin. Programme donc, nouvelle répartition des cours. Y a-t-il des cours différents ? Eh bien, on a un peu réorganisé le programme de la licence pour l'alléger. Évidemment, on ne pouvait pas tout garder les 4 années, ayant seulement trois années de cours. On a également réorganisé un peu les choses pour former des cours semestre. Et un certain nombre de matières plus spécialisées ont été déplacées vers le programme de master, qui désormais comprend non seulement la rédaction d'un mémoire, jadis c'était la rédaction d'un mémoire et des séminaires, mais maintenant il comprend des heures de cours, des cours plus spécialisés sur, disons, différentes matières essentielles de l'enseignement de la théologie. Ceci fonctionne donc avec des UV, c'est ça, comme à l'université. Voilà. Il a les cours d'un côté, puis le mémoire pour donner un master. Et puis le doctorat, j'imagine que pour le doctorat, il n'y a pas grand-chose. Alors pour le moment, dans le processus européen de l'université européenne, on commence simplement à revoir les programmes de doctorat. Donc pour le moment, le doctorat n'a pas été touché. La seule indication, c'est que désormais, le doctorat devra être fait théoriquement en 3 ans. Oui, ou plus en fonction du travail de candidat. Donc nous avons parlé jusqu'à présent des études régulières, si je puis dire, qui existaient depuis toujours à Saint-Serge et qui vont continuer bien sûr. Et là vous avez une grande nouveauté, quelque chose qui change tout à fait par rapport au passé. C'est ce que vous appelez une formation théologique et pastorale, un cycle d'études sur un an, si j'ai bien compris. Alors je voulais un tout petit peu des précisions là-dessus. D'abord, pourquoi le créer et comment cela fonctionne-t-il? Alors, le programme classique de Saint-Serge, qui était un programme d'études universitaires, s'adressait à des gens donc ayant donc l'équivalent du baccalauréat et en fait des études terminées, des études secondaires, et puis qui disons se dirigeaient, qui avaient le temps pour faire des études académiques. Malheureusement, pour répondre aux besoins pastoraux de l'Église, en France particulièrement, il est très difficile pour des personnes qui s'intéressent à la théologie de pouvoir se libérer pendant 3 ans ou 5 ans pour venir suivre des cours sur place. On avait créé dans les années 80 des cours par correspondance. Ces cours sont maintenus, donc la formation théologique par correspondance est maintenue. Le programme a été revu justement pour tenir compte des changements dans le programme de la licence habituelle. Mais en plus, nous avons créé une nouvelle type de formation qui s'adresse à un public plus large, qui s'adresse donc à toute personne qui se prépare à servir l'Église, soit dans les ministères ordonnés, soit comme chantre ou lecteur, catéchète ou iconographe, mais aussi à des personnes qui s'intéressent à la théologie. Et cette formation est pensée à deux niveaux. Il y a d'abord des matières fondamentales qui seront données en cours du soir. Et par ailleurs, pour compléter ces matières fondamentales, il y aura au choix, selon les, disons, la spécialisation que les personnes veulent avoir, quelqu'un qui se prépare, disons, à servir l'Église a besoin plus de cours pratiques sur la célébration, les offices. Quelqu'un qui se destine à être iconographe a besoin de cours plutôt pratiques pour ce qui ont trait à l'iconographie ou à l'histoire de l'icône. Ceux qui se préparent à enseigner la catéchèse ont besoin d'une spécialisation plutôt pédagogique, catéchétique. Donc, ces sessions permettront d'approfondir et de spécialiser. Ces sessions seront des sessions de week-end, ce qui permettra aux gens de venir même de loin. Et par ailleurs, il y aura également des séries de conférences qui seront données au cours de l'année à l'Institut Saint-Serge, qui seront ouverts également au grand public. Alors, soyons plus précis, si vous voulez bien, on va prendre quelques cours comme ça. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme cours le soir? Et puis, ces sessions, comment s'articulent-elles? Quels sont les sujets? Donc, nous avons 8 matières fondamentales, c'est-à-dire un cours d'introduction et d'initiation à l'Ancien Testament, un cours d'initiation au Nouveau Testament. Nous avons un cours sur la doctrine des pères de l'Église, un cours sur le chant liturgique. Donc, il y aura des cours de chant à l'Institut Saint-Serge. On pourra venir apprendre à chanter. Un cours sur les icônes, sur la théologie pastorale, l'histoire de l'Église et la liturgie. Donc, ce sont des cours qui seront donnés pendant toute l'année, mais à un rythme de toutes les 2 semaines. De telle sorte que, par exemple, quelqu'un qui ne peut pas suivre toute la formation, il peut très bien choisir 1 ou 2 cours et venir toutes les 2 semaines, le soir, à l'Institut Saint-Serge, les suivre. Donc, ce qui permet même à des gens qui n'habitent pas Paris, mais qui habitent la province, d'éventuellement venir pour un soir à Paris. Ces cours seront donnés de 19h30 à 21h. Donc, également pour les gens qui travaillent, cela est faisable. Par ailleurs, nous aurons donc des sessions de week-end qui seront annoncés. Nous commençons pendant les vacances de la Toussaint, donc du 30 octobre au 1er novembre, nous aurons une session de chant liturgique qui aura lieu à l'Institut Saint-Serge. Par ailleurs, nous aurons au mois de janvier un cours sur l'iconoclasme byzantin que vous ferez d'ailleurs le 20 et 21 janvier. Et puis par ailleurs, donc vous seront signalés d'autres cours tels l'accompagnement des malades, un cours sur la spiritualité byzantine, la théologie canonique de l'Église, la géologie, et puis des sessions de théologie pratique, c'est-à-dire de rubriques, de l'ordo, des offices liturgiques et de la célébration liturgique. Par ailleurs, durant toute l'année, nous aurons un atelier d'iconographie, donc il est possible de venir apprendre à peindre les icônes à l'Institut Saint-Serge. Donc c'est l'atelier d'iconographie aura lieu tous les mardis de 10h à 13h. Et puis donc nous aurons des séries de conférences. Donc nous aurons deux séries de conférences de théologie morale faites donc par Bertrand Vergely, données par Bertrand Vergely tous les mercredis. Donc la première série de conférences d'octobre à janvier, la deuxième série de février à mai, et puis également une série de conférences du père Placide Desailles sur les pères cappadociens qui aura lieu les jeudis après-midi, environ chaque mois. La première conférence aura lieu le 19 octobre. Très bien, écoutez, tout ceci permet de penser qu'il y aura une souplesse beaucoup plus grande qu'auparavant, et que les gens qui veulent, comme vous avez dit, avoir une formation théologique un tout petit peu adaptée à leurs besoins, ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps, ou parce qu'ils pensent étaler ces études sur un espace de temps beaucoup plus long qu'auparavant, ils pourront dorénavant le faire. Avant de faire une pause musicale, je vous propose de donner déjà les coordonnées de l'Institut que nous allons redonner tout à l'heure et qu'on trouve de toute manière sur le site de l'émission, sur franceculture.com. Donc c'est Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, 93 rue de Crimée, dans le 19e arrondissement de Paris, donc 75 019 Paris. Téléphone 01 42 01 96 10. Et il y a le site de l'Institut www.saint-serge.net. Écoutons maintenant la chorale de l'Institut Saint-Serge sous la direction de Nicolas Orguin dans l'hymne à la Mère de Dieu. Père Job, écoutez, la musique liturgique apaise beaucoup. Et puis je dois dire qu'un des grands avantages de l'Institut Saint-Serge, c'est le fait justement d'être construit, si je puis dire, autour d'une église. Tout se passe autour d'une église. Alors c'est très bien parce que justement, on peut avoir les deux, la vie liturgique et en même temps évidemment les cours, ce qui est la priorité quand on y va. Alors une question maintenant que beaucoup de gens me posent aussi, c'est à qui s'adressent les études de théologie? Est-ce que c'est quelque chose de tout à fait particulier qui est adressé uniquement à ceux qui vont peut-être devenir prêtres ou qui ont des raisons particulières professionnelles de le faire? Ça paraît un tout petit peu, si vous voulez, décalé par rapport aux besoins et aux angoisses du monde actuel. Et en même temps, c'est quelque chose justement qui peut aider à répondre aux angoisses du monde actuel. Voilà, dès sa fondation, comme je le racontais tout à l'heure en disant deux mots, la raison d'être de Saint-Serge. Saint-Serge a été fondé d'une part, évidemment, pour former des pasteurs, des clercs, des prêtres, mais aussi pour former des laïcs avec une culture théologique, avec une conscience de la vie de l'Église, de la vie spirituelle, de la vie chrétienne. Et par conséquent, les études de théologie s'adressent à tout le monde. Tous ceux et celles qui désirent étudier et approfondir leur foi chrétienne sont bienvenus à venir étudier chez nous. Donc nous n'avons pas seulement des personnes qui se préparent à un ministère ordonné, mais nous avons des hommes et des femmes qui viennent suivre soit une formation complète, ou soit assister tout simplement en tant qu'auditeur libre à tel ou tel cours, tout simplement parce qu'ils s'intéressent, ils veulent mieux connaître la vie de l'Église, que ce soit en approfondissant leur connaissance de l'histoire de l'Église, de la doctrine, leur connaissance des Écritures saintes, des pères de l'Église, ou de la liturgie, ou des icônes. Donc, nous avons une grande souplesse dans l'enseignement, et nous avons également le corps étudiant est très varié. Nous avons des hommes et des femmes d'âges différents, et puis aussi nous avons des étudiants qui viennent d'horizons différents. Et il faut dire également que l'Institut Saint-Serge n'est pas simplement ouvert qu'aux orthodoxes, parce que nous avons également des étudiants d'autres confessions, et nous avons même eu dans le passé des personnes d'autres religions qui s'intéressaient à tel ou tel aspect du christianisme orthodoxe, qui sont venus suivre des cours chez nous, et nous les avons accueillis. Donc, il faut dire aussi qu'il y a des accords, je crois, avec l'Institut catholique et la faculté protestante. Tout à fait. Nous avons un programme avec la faculté, l'Institut catholique de Paris, pour faire un doctorat conjoint. Donc, il est possible à des étudiants de doctorat à l'Institut catholique qui travaillent un sujet qui a trait au christianisme orientaux, de le faire conjointement avec nous, à l'Institut Saint-Serge. Et puis, nous avons également une collaboration avec la faculté de théologie protestante, boulevard Arago, à Paris. C'est très complet. Alors, je voulais dire également, je parle de ma propre expérience, vous avez parlé tout à l'heure du corps étudiant, qui est très varié, le corps enseignant aussi. Tout à fait. Et, bon, il y a divers âges, on a dit tout à l'heure, vous faites partie des très jeunes. C'est des origines différentes. Avec des origines très différentes, et ceci est très enrichissant pour quelqu'un qui est ici, parce qu'il rencontre justement des personnes qui ont des vécus différents et qui apportent à la réflexion théologique chacun quelque chose de très différent. Pour compléter un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur cette formation donc pastorale, vous avez parlé des cours du soir, vous avez parlé des sessions qui seront données un week-end par mois. Comment elles se complètent et puis est-ce qu'on est obligé de suivre ce cycle entièrement, ou on peut le prendre un peu à la carte, et en quoi ça peut amener? Est-ce qu'en terminant ça, on a un diplôme, on a quelque chose? Voilà, donc pour ce qui est de la formation théologique et pastorale, que l'on appelle FTP, à ne pas confondre avec la FTC, qui est la formation théologique par correspondance, donc ceux qui auront validé les 8 matières fondamentales et un certain nombre de sessions, pourront obtenir ce qu'on appellera le certificat de la formation théologique et pastorale, ce qui leur permettra par la suite de servir l'Église d'une manière plus précise. Mais évidemment, en toutes ces formations, que ce soit la formation théologique par correspondance, la formation théologique et pastorale, ou les cours de licence et de master, il peut y avoir aussi des ponts qui s'établissent. Oui. C'est-à-dire des étudiants de la formation théologique par correspondance, peuvent très bien s'inscrire à un ou deux cours de la formation théologique et pastorale ou un ou deux cours du programme de licence sur place, ce qui leur permettra d'approfondir et de les aider dans leur travail personnel, selon leurs possibilités. Donc il y a un souci de cette grande flexibilité dans nos différents programmes. Et le mieux, évidemment, lorsqu'on a un parcours particulier ou une situation particulière, le mieux, évidemment, c'est de s'adresser soit à l'Institut, que ce soit à moi-même en tant que doyen, ou plutôt s'adresser directement aux responsables de telle ou telle formation et d'en discuter pour voir un peu comment adapter le programme à leur situation particulière. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de connaître Saint-Serge et éventuellement de suivre une partie ou l'ensemble des formations qu'ils dispensent, quelles sont les dates à retenir pour l'année universitaire qui commence ? Eh bien évidemment, le mieux c'est de venir déjà à Saint-Serge et de voir ce qu'il en est. Nous aurons la session de rentrée le lundi 9 octobre. La session de rentrée commencera par la Divine Liturgie à 10h. Et puis, suite à cette Divine Liturgie, il y aura une session d'information et d'accueil des nouveaux étudiants. Donc c'est une des façons de connaître l'Institut. D'ici là, nous aurons également le festival de la jeunesse orthodoxe qui viendra à l'Institut Saint-Serge le jeudi 7 septembre le soir, à partir de 18h, où nous aurons également, certaines nous donneront des informations sur nos nouveaux programmes et les différentes formations que l'on peut suivre. Également, nous aurons la session académique, la séance solennelle de l'Institut, qui aura lieu au mois de février, donc c'est un peu plus tard durant l'année, le dimanche 11 février à 15h, où le père Boris Bobrinskoy donnera le discours académique. Et puis par ailleurs, nous avons d'autres colloques durant l'année. Nous aurons cette année, plus particulièrement le 25 novembre, le samedi 25 novembre, un colloque organisé conjointement avec l'Institut des sources chrétiennes et les éditions du CERF à Paris à l'occasion de la parution du 500e volume des sources chrétiennes. Nous aurons une journée consacrée aux intellectuels russes de l'immigration et le renouveau patristique au XXe siècle, qui se clôturera par une conférence publique de Mgr Calixto Swere. Et puis par ailleurs, nous aurons au mois de février, le samedi 17 février, un colloque sur Nicolas Cabasilas, un grand spirituel byzantin du XVe siècle. Et puis nous avons évidemment, comme chaque année, la séance liturgique, la semaine d'études liturgiques, qui est un grand moment d'approfondissement de la liturgie. C'est un colloque écuménique, donc nous avons des participants orthodoxes, catholiques et protestants. Et cette 54e semaine d'études liturgiques se tiendra du 25 au 28 juin 2007. Écoutez, tout ceci est extrêmement intéressant et alléchant, j'allais dire. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est prendre contact avec l'Institut, ne serait-ce que pour visiter les lieux déjà sur le lieu de Paris. Et on peut prendre également, tous ces renseignements se trouvent également sur notre site, internet. On va redonner donc les coordonnées. Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, 93 rue de Crimée, 75 019 Paris. Téléphone 01 42 01 96 10 et le site www.saint-serge.net. Écoutez, Père Job, merci beaucoup. Je ne peux que vous féliciter pour le travail que vous avez commencé et puis vous souhaiter que tout continue comme vous aimeriez que ce soit et comme tout le monde d'ailleurs l'aimerait pour Saint-Serge. C'était donc la réforme des études à l'Institut Saint-Serge avec le Père Job Guetcha. Notre prochaine émission, dimanche 1er octobre. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Sylvie Migaud. Prise de son, Marie-Dominique Bougaud. Notre adresse, Orthodoxie, Radio France, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris 7 Aix 16. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.com.